Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Deuxième partie, cinquième chapitre, respect que les enfants de Marie doivent à leur mère. L'amour véritable n'est jamais séparé du respect dû à la personne qu'on aime. On estime celui qu'on aime, et on l'estime d'autant plus qu'on le juge plus digne de posséder notre cœur. Assurément, on honore celui qu'on estime, ne fût-ce qu'en le rendant maître de nos affections, certes, ce serait déjà là un honneur bien grand. Cependant, on fait quelque chose de plus encore, on ne se juge pas digne de lui, on va jusqu'à désirer qu'il soit élevé au-dessus de nous. On le prévient par toutes sortes de respect, ne comptant pour rien de s'abaisser par amour pour lui. Bien plus, c'est en cela que les personnes qui aiment trouvent leur délice, c'est à protester à celui qu'elles aiment de leur entière soumission, ce qui certainement est une chose louable quand cette soumission est réglée par la prudence. Aussi l'apôtre saint Paul voulait-il que les premiers fidèles fussent attentifs à se rendre mutuellement l'honneur dû à chacun. Soyez prévenants et respectueux les uns à l'égard des autres. Romains 12, 10, comme participant à la même foi et aux mêmes promesses divines. Ainsi nous pourrons dire avec vérité qu'il n'y eut jamais d'amour véritable qui ne fût uni à un sincère respect. Si cela est vrai par rapport à tous les amours, il doit l'être beaucoup plus en parlant de l'amour filial. Celui-ci se distingue de l'amour qui unit les frères et les époux, précisément en ce qu'il est toujours accompagné, plus qu'aucun autre, de respect et de soumission. Les enfants sont tenus d'honorer leurs parents, parce que ceux-ci participent en quelque sorte à l'autorité que Dieu exerce sur toutes les créatures, comme ayant concouru avec lui à la formation de notre être, d'où il suit que, nous devons, les considérer comme les auteurs véritables, bien que secondaires, de notre existence. Aussi, voyez-le, Dieu voulant rappeler à la mémoire des hommes les devoirs qu'il avait, comme auteur de la nature, imprimés dans leur cœur, résume toutes les obligations des enfants envers leurs parents dans ce seul mot, honneur. Je sais fort bien que ce mot, quoique simple, renferme plusieurs significations, mais je sais aussi qu'on ne peut nier qu'il exprime proprement l'honneur que tout enfant doit à ses parents. Si donc nous voulons nous montrer enfants de Marie, nous devons l'honorer, nous devons avoir pour elle le respect le plus profond, le plus filial. Oui, il me semble entendre le saint homme Tobie nous répéter, « Vous honorerez votre mère tous les jours de sa vie. » Tobie 4, 3. Nous devons donc chaque jour offrir quelque hommage à Marie. Comment pourrons-nous le faire? En l'honorant par pensée, par parole, et par action. D'abord, par pensée, en considérant les perfections et les prérogatives de Marie, notre esprit ne pourra faire moins que de se soumettre à elle, de s'abaisser, de s'humilier, de s'anéantir, pour ainsi dire, en sa présence. Arrêtons-nous donc chaque jour pendant un temps déterminé à réfléchir sur quelqu'une de ses grandeurs, de ses prérogatives sublimes. On pourrait les distribuer entre les différents jours de la semaine, ou du mois, comme on le jugera bon. Par exemple, le lundi, pensez à l'humilité de Marie, le mardi, à sa chasteté, le mercredi, à sa foi vive et agissante, le jeudi, à son amour pour Dieu, le vendredi, à son amour et à sa miséricorde envers le prochain, le samedi, aux douleurs qu'elle a endurées par amour pour nous, le dimanche, à la gloire à laquelle elle a été élevée. On pourra encore honorer Marie d'esprit en recourant à elle dans les peines, Dans les afflictions de quelque genre que ce soit, invoquâmes, nous dit le Seigneur, au jour du trouble, je te sauverai et tu m'honoreras. Psaume 49, 15. Et je crois entendre Marie répéter de son côté invoquez-moi au jour de la tribulation, et vous en retirerez un double avantage, le premier sera de m'honorer, le second d'être délivré de l'affliction où vous gémissez. En effet, l'acte par lequel on a recours à quelqu'un dans ses angoisses, est honorable et glorieux pour lui, par là on reconnaît sa puissance, et on atteste l'idée qu'on a de la bonté de son cœur, de sa propension à soulager les misérables. Nous serions donc insensés, si dans nos tribulations nous négligions d'avoir recours à Marie, ce serait la frustrer des hommages qui lui sont dus, et nous soustraire à sa bienfaisance maternelle. Ce n'est pas seulement par pensée, c'est-à-dire de cœur et d'esprit que nous pouvons et que nous devons honorer Marie, mais notre langue aussi doit être consacrée à ce noble usage. Jamais on ne pourra l'employer à un office plus noble que celui de célébrer les louanges de Dieu et de sa très sainte mère. Et certes, si nous aimons Marie, je dirais presque que nous ne pourrons nous empêcher d'en parler fréquemment, d'avoir sans cesse en bouche ses louanges. De quoi parle-t-on le plus volontiers? De ce qu'on aime, il n'y a pas doute. Qu'ils sont doux les entretiens de celui qui aime, quand ils roulent sur la personne aimée, surtout si cette personne est telle que plus on en parle, plus on vante ses mérites, plus aussi on trouve de choses à en dire. L'amour même suggère à l'esprit des idées nouvelles, émet sur la langue de nouvelles expressions. Si donc vous aimez Marie, comme vous devez l'aimer, si vous voulez être véritablement son enfant, faites souvent répéter à votre langue la salutation que l'archange Gabriel lui adressa, je veux dire l'Ave Maria. On peut dire qu'il n'y a pas un chrétien fidèle qui ne récite souvent cette belle prière ou salutation, comme on veut l'appeler. Le tout consiste à la réciter comme il faut. Je voudrais qu'en la répétant, on réfléchit tant soit peu, comme le fit la Sainte Vierge, ce que signifie cette salutation, Luc 1, 29. Aussi nous y pensions bien et si la pensée de l'esprit accompagnait toujours l'expression de la langue, que davantage nous en retirerions. Quand je dis « Ave Maria », disait saint François d'Assise, les cieux brillent, les anges se réjouissent, le mont tressaille, l'enfer tremble, les démons prennent la fuite, comme la poussière qui se dissipe à la face du vent, comme la cire qui se fond en présence du feu, ainsi à l'invocation du nom de Marie toute l'armée des malins esprits se débande et se disperse, confère François d'Assise. C'est que le saint récitait l'Ave Maria, comme nous devrions tous le réciter, il pensait, lui, à ce que veut dire cette salutation. C'est une salutation envoyée du ciel, apportée par un ambassadeur céleste à la plus auguste de toutes les créatures, une salutation qui renferme le plus magnifique éloge qui puisse être fait d'une créature. Je vous salue. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Aussi nous y pensions aussi, nous la réciterions bien mieux que nous ne le faisons ordinairement. Le plus souvent, hélas, notre langue est employée à saluer Marie, mais le cœur, mais l'esprit, où sont-ils? Dieu le sait. Marie n'aurait que trop sujet de nous faire le reproche que le Seigneur a fait par la bouche d'Isaïe. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Que faire? Laisserons-nous de saluer Marie, parce que nous ne le faisons pas avec assez d'attention? Non, non, mon frère, faisons ce que nous pouvons, et demandons ce que nous ne pouvons pas. Nous pouvons bien, avant de réciter l'Ave Maria, réfléchir sur ce que signifie cette salutation, à qui nous l'adressons, et qui nous sommes, nous qui la faisons. Cette considération si simple nous sera d'une grande utilité pour recueillir notre esprit et le rendre attentif à la prière, que s'il vient à divaguer ensuite, nous ne devons point pour cela perdre courage. Qu'y a-t-il d'étonnant que nous ne soyons pas exemples de ce qui arrivait aux saints? Même à David, il s'en plaignait doucement en disant « Mon cœur m'a abandonné ». Fixer l'imagination et l'empêcher de voltiger au hasard est une œuvre qui dépend plus de Dieu que de nous. Le Seigneur, ainsi que la très sainte Vierge, savent quelle est notre faiblesse et notre inconstance. Ils sauront aussi y compatir et nous aider quand ils le jugeront bon. Du reste, nous ne devons nullement, à cause des distractions, abandonner la prière et cesser de rendre à Marie, notre bonne mère, l'honneur qu'il nous est permis de lui rendre en récitant la salutation angélique. La dévotion dite du rosaire, qui consiste à réciter plusieurs dizaines d'Ave Maria, en intercalant après chaque dizaine l'oraison dominicale et la considération des principaux mystères de notre rédemption, est, sans contredit, très agréable à la Sainte Vierge, et très utile à nous-mêmes. Ce fut la Sainte Vierge qui enseigna cette manière de prier à son serviteur bien-aimé, Saint Dominique, le patriarche de l'ordre des frères prêcheurs. Le saint travaillait dans la ville de Toulouse à la conversion des hérétiques albigeois, mais quelle que fût l'ardeur de son zèle, il n'en recueillait guère de fruits. Son affliction était extrême, quand la très sainte Vierge, sa tendre mère, lui apparut. « Dominique, lui dit-elle, ce terrain demeurera stérile, tant que vos sueurs ne seront pas secondées par ma protection, faites donc ceci. Désormais prêchez mes grandeurs, et enseignez au peuple la manière de m'honorer en récitant le rosaire. Bientôt vous verrez de quels fruits abondants seront couronnées vos peines. » Le saint en agit de la sorte, et on vit à l'instant les bénédictions du Seigneur pleuvoir avec profusion sur cette terre jusqu'alors aride. Ce ne fut pas là le seul avantage qui revint aux fidèles en particulier, et à l'Église en général, de la dévotion du Saint Rosaire. Les biens qu'elle procure furent si grands et si nombreux que toutes les histoires en sont pleines. Et combien n'en est-il pas dont nous n'aurons connaissance qu'au jour du jugement, alors qu'on verra un nombre incalculable de chrétiens arrachés à l'enfer par cette salutaire dévotion? J'espère aussi me trouver de ce nombre. Il ne faut donc pas s'étonner si cette admirable dévotion est si répandue par toute la chrétienté qu'à peine trouve-t-on un chrétien qui ne porte habituellement sur lui le chapelet, et même ne le récite souvent. Note. Cela est vrai surtout en Italie, où se trouvait l'auteur quand il composa ce livre. Plus à Dieu qu'il en fut de même dans les autres contrées. Fin de la note du traducteur. Si cela se fait dans tout le monde catholique, il est bien juste que vous aussi, mon cher lecteur, qui désirez être mis au nombre des vrais serviteurs et des enfants de Marie, vous le récitiez souvent avec toute la dévotion dont vous êtes capable. Ayez donc soin de ne laisser passer aucun jour sans rendre à la Sainte Vierge ce léger hommage de dépendance et de soumission. Vous pourrez le réciter soit chez vous, soit à l'église, soit même en voyageant, ce qui suffit pour renverser l'objection tacite que l'on fait de ne pas trouver un moment convenable pour le réciter. Il serait fort bon que vous vous fissiez inscrire, si vous ne l'êtes pas encore, dans la confrérie du rosaire vivant, que vous fissiez bénir votre chapelet par un religieux de Saint Dominique, ou par un autre prêtre qui en a le pouvoir, afin de participer ainsi au bien qui se fait par tous les confrères, et de jouir du trésor d'indulgence accordé à l'association. Tâchez aussi de joindre à la récitation du rosaire, la considération des mystères, comme cela se pratique d'ordinaire, ils ont tous rapport à la naissance, à la vie, à la mort, à la résurrection, à l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et aux grandeurs de la très sainte Vierge. Si vous ne connaissiez pas la suite de ces mystères, vous pourriez de votre mieux, tout en récitant le rosaire, vous en représenter quelques-uns, par exemple, le crucifixion de Jésus-Christ, et en entretenir votre esprit tout le temps que durera la récitation. Figurez-vous que vous êtes sur le calvaire, au pied de la croix, dans la compagnie de Marie, de Saint Jean et de Sainte Marie Madeleine, et faites ce que le Seigneur vous suggérera intérieurement, cela suffit pour gagner les indulgences, et c'est une excellente manière de prier. Oh que de fruits vous recueillerez d'une semblable dévotion, vous ne pourriez vous l'imaginer, vous ne le saurez qu'au moment de la mort, quand Jésus et Marie, en récompense de l'honneur que vous leur aurez rendu en les accompagnant dans leur douleur, viendront vous consoler dans les vôtres, et vous inviter à aller prendre part à la gloire qui est promise à quiconque se fait de bon cœur le compagnon de Jésus et de Marie dans le chemin des souffrances. Vous pourrez encore, au moins le samedi, réciter dévotement la petite couronne des sept douleurs de Marie, pratique qui lui est très agréable. Quel gage assuré n'a pas d'être secouru de Marie au milieu de ses afflictions, et spécialement à l'heure suprême de la mort, un chrétien qui a tâché de se rendre en esprit, durant sa vie, le compagnon amoureux des souffrances et des douleurs de Marie? Pourrions-nous croire que la Sainte Vierge voulut se laisser vaincre en générosité? Pourrions-nous croire qu'elle put oublier celui qui ne l'a jamais oublié? Non, non, une telle pensée serait une impiété. Si Marie est prompte à secourir celui-là même qui jamais ou presque jamais ne s'est souvenu d'elle, combien plus volontiers ne secourra-t-elle pas celui qui jamais durant sa vie n'a pu l'oublier? Heureux si au moment de la mort nous pouvions entendre les consolantes paroles qu'entendit un jeune homme dévot aux douleurs de Marie. « Mon fils, lui dit cette bonne mère, vous m'avez souvent tenu compagnie dans mes douleurs, maintenant il est temps que je vous visite à mon tour. Voici donc que je viens vous tenir compagnie dans votre dernière agonie, voici que je viens vous inviter à venir prendre part à la gloire dont je jouis dans le ciel, après que vous vous êtes fait volontairement participant des peines et des afflictions que j'ai endurées sur la terre. Venez, mon fils, venez avec moi dans le ciel pour y jouir éternellement de Dieu. Quelle belle mort! Qui de nous ne désirerait d'en faire une semblable? Personne, je crois, personne par conséquent ne doit se lasser de tenir compagnie à Marie dans les douleurs amères qu'elle a souffertes pendant la passion de son divin Jésus. Il y a bien d'autres dévotions que les enfants de Marie pratiquent envers leur auguste mère, et qui sont autant de moyens de consacrer sa langue, non moins que son cœur, à honorer cette grande reine. L'amour est ingénieux, jamais il n'a épuisé toutes les manières de témoigner son affection à la personne aimée. Les bons chrétiens ont la louable coutume, approuvée par l'Église, de réciter au matin, à midi et au soir, trois fois la salutation angélique, au signal de la cloche, l'Église, par cette triple salutation, veut honorer Dieu et la Sainte Vierge, pour les bienfaits de l'incarnation, de la nativité et de la résurrection de Jésus-Christ. Depuis peu s'est encore introduit l'usage d'ajouter, après les trois Ave Maria, trois Gloria Patri, pour remercier la très sainte Trinité des mêmes bienfaits. Pie VII, d'heureuse mémoire, a enrichi cette pratique d'une indulgence de 100 jours, pour chaque fois qu'on s'en acquitte. Voyez, mon cher lecteur, avec quelle facilité nous pouvons acquérir des trésors et honorer notre bonne mère Marie. Voudrions-nous rester indifférents? Non, je ne le crois pas, car ceux qui trafiquent pour le monde nous couvriraient de confusion au jour du jugement en nous montrant combien ils ont été plus avides à amasser des biens frivoles et périssables que nous a accumulés des trésors de grâce et de bénédiction céleste. Les enfants de Marie ont encore la sainte coutume de saluer leur mère, ou par un ave, ou par une courte aspiration, chaque fois qu'ils rencontrent ces images le long des rues. Soyons fidèles aussi à offrir ce petit hommage à la Sainte Vierge, qui nous est représentée dans ces images. Combien d'autres choses ne font pas les dévots de Marie? Que de moyens n'emploient-ils pas pour consacrer leur langue à son service? Je m'abstiens d'en rapporter un plus grand nombre, dans la crainte d'être trop long, votre amour pour Marie vous les suggérera. Toutefois, je ne puis me dispenser de faire mention de la pratique si utile et si salutaire de parler souvent de ses grandeurs, de publier ses louanges, ses miséricordes, et d'exciter ainsi la dévotion dans le cœur des autres. L'amour jouit de toutes les propriétés du feu, le feu en a une entre autres, que l'on pourrait peut-être regarder comme la principale, qui consiste à communiquer sa chaleur à tout ce qui l'avoisine. Si donc la délicieuse flamme de l'amour de Marie brûle dans notre cœur, nous devons la communiquer à ceux qui s'approchent de nous, nous devons tâcher d'enflammer aussi leur cœur, qu'il est beau de se rencontrer avec des personnes qui parlent de Marie. À quel sujet pourrions-nous mieux consacrer nos entretiens qu'à exalter les louanges de cette auguste Vierge? Celui qui me glorifie, qui s'efforce de publier mes grandeurs, aura la vie éternelle. Ecclésiastique 24-31, telle est la magnifique récompense qu'elle leur promet. Oh, il semble que les fervents dévots de Marie ne peuvent parler d'autre chose. Celui qui aurait entendu converser un saint Louis de Gonzague, un saint Stanislas de Kostka, un vénérable saint Jean Berchmans, quelle joie n'aurait-il pas ressenti de l'ardeur avec laquelle il parlait de Marie? Il les aurait vus, le visage tout enflammé lancé par les yeux et la bouche des étincelles du foyer d'amour qui brûlait dans leur cœur. Prononçait-il le nom de Marie? Il semblait le savourer avec délice, et s'évanouir presque à la douceur de ce nom chéri. Oh, que ne fait pas l'amour! Il délie même les langues des enfants, sagesse 10-31, il les rend éloquentes, il apprend à parler à celui qui est empêché de la langue, et il lit la langue afin qu'on ne parle d'autre chose que de l'objet aimé. Ah, si nous avions un véritable amour pour Marie, si nous l'aimions avec quelle assiduité, quelle joie, quelle ferveur, quelle efficacité nous en parlerions. La troisième manière d'honorer Marie, c'est de le faire par ses œuvres. Il ne faut pas se contenter des paroles, il faut y joindre les actions. 1 Jean 3, 18. C'est ici qu'on reconnaît si l'amour est solidement enraciné. Comment voit-on si une flamme est peinte ou réelle? En ce que la flamme peinte ne se meut pas, n'agit pas sur la toile où le peintre l'a tracée, tandis que la flamme réelle s'agite et opère constamment, sa nature le comportant ainsi. Quelle est donc la manière la plus facile de reconnaître si l'amour que nous disons avoir pour Marie est véritable et réel? C'est de voir simplement s'il est agissant. Cette propriété de l'amour envers Marie est très étendue en elle-même, et embrasse plusieurs choses dont il sera plus à propos de parler dans le chapitre suivant. Pour le moment, nous nous contenterons d'en remarquer quelques-unes qui se rapportent spécialement au but de ce chapitre, dans lequel nous traitons du respect que nous devons à Marie en qualité d'enfant. Nous devons donc l'honorer par nos œuvres. Et par quelles œuvres? Et en lui érigeant des temples, en construisant des basiliques, en dotant richement des chapelles en son honneur. Mais le nombre de ceux qui peuvent faire de telles largesses n'est pas grand, cependant s'il en est, ils sont assurément tenus de montrer aussi par là leur dévouement à la Sainte Vierge. Pour nous qui ne pouvons en faire autant, ne perdons pas courage, Marie est si indulgente, qu'elle se contente de beaucoup moins. Nous ne pourrons pas lui construire des églises, mais nous pourrons visiter dévotement celles qui existent déjà. Nous ne pourrons pas doter ses autels, mais nous pourrons nous y prosterner pour y faire notre prière. Nous ne pourrons pas décorer ses temples, ses oratoires et ses statues d'ornement somptueux, mais nous pourrons fort bien lui offrir quelquefois un bouquet de fleurs. Nous pourrons y joindre quelques petites décorations proportionnées à nos facultés. Faisons au moins cela, et Marie sera aussi contente de nous que de ceux qui ont coutume de lui faire les plus riches présents, bien plus, en faisant ce que nous pouvons, et en le faisant de bon cœur, nous lui serons peut-être plus agréables qu'eux. Jésus, sans remarquer, sans daigner pour ainsi dire honorer d'un regard les magnifiques offrandes que des personnes riches faisaient dans le temple, abaisse les yeux sur une pauvre veuve qui n'offre autre chose que deux oboles, il en fait l'éloge. Il applaudit à son action, en disant qu'elle a plus donné que tous les autres, et la raison, c'est que Dieu n'a pas tant égard à l'offrande qu'à l'amour, à la bonne volonté de celui qui offre. Non respici quintum, dit saint Augustin, sed ex canto. Ainsi sans faire de riches présents, ce qui nous serait impossible, nous pourrons rendre un grand honneur à Dieu et à la Sainte Vierge. Quand nous ne ferions que porter une fleur de notre jardin à l'autel de Marie, ce serait déjà quelque chose. Quand nous ne ferions qu'entendre ou servir une messe à son autel, ce serait beaucoup. Quand nous ne nous emploierions qu'à nettoyer une église ou une chapelle qui lui est consacrée, ce serait encore une chose agréable à la Sainte Vierge, elle penserait de son côté à purifier notre cœur des mauvaises affections, tandis que nous serions occupés à entretenir la propreté dans son sanctuaire extérieur. En un mot, faisons ce que nous pouvons, faisons quelque chose. Ne rien faire est insupportable, faire quelque chose est toujours louable, faire ce qu'on peut est excellent, et très agréable à notre auguste souveraine. Par là elle se voit comme engagée à faire aussi ce qu'elle peut en notre faveur. Et que de bien Marie pourra nous procurer? Je me trompe, quel bien, quels avantages plutôt ne pourra-t-elle pas nous rendre? Il n'est rien qui ne soit en son pouvoir, elle peut tout, elle n'a qu'à vouloir, pouvons-nous dire. Elle peut tout et elle fera tout en faveur de celui qui fait tout pour elle. Elle nous obtiendra du Seigneur la grâce dont nous avons besoin en cette vie, et elle nous introduira dans l'heureux séjour de la gloire, de manière à vérifier, elle aussi, ces paroles qui sont vraies dans la bouche de Dieu. Je glorifierai quiconque m'aura rendu gloire. 1 Rois 2, 30. Honorons Dieu, honorons Marie, et nous serons honorés de Dieu et de Marie. La récompense est-elle de notre goût, mon cher lecteur? Est-elle assez précieuse? S'il en est ainsi, que les moyens qui y conduisent ne nous plaisent pas moins. Ô Marie, je désire vous honorer, mais hélas, quel honneur puis-je vous rendre? Prétendrai-je vous glorifier en me déclarant votre enfant? Mais c'est un honneur que vous me faites que de me reconnaître pour tel. Quant à moi, je ne vous en fais aucun en vous reconnaissant pour ma mère. Quel honneur rendrais-je à une reine puissante en me déclarant son enfant, moi pauvre, abject et méprisable? Je craindrais plutôt que cette protestation de ma part ne fût prise par cette princesse pour un trait d'arrogance et de témérité, digne du plus sévère châtiment. Voilà certainement ce qui m'arriverait de la part des reines de la terre, mais il ne m'arrivera rien de semblable avec vous, ô reine du ciel. Oh que vous êtes bonne! Que vous êtes bonne! Vous avez un cœur trop tendre. L'amour immense que vous me portez fait que vous vous estimez honoré d'être appelé du doux nom de mère par le plus vil de tous les hommes. Mon cœur, que veux-tu de plus? Toi qui es si orgueilleux, si jaloux de ton honneur, voici que tu as découvert le moyen d'être honoré en t'élevant. J'ai entendu dire, quiconque s'humilie sera élevé, mais ici il me semble qu'il n'est pas moins vrai que celui qui s'élève sera élevé, celui qui s'élève en se déclarant enfant de la plus auguste souveraine, sera, pour prix de ce qu'on pourrait appeler sa présomption, élevé par Jésus jusqu'à devenir son compagnon dans le royaume éternel. Ô mon cœur, reconnais ta noblesse, et rougis désormais de t'avilir et de te dégrader en courant après des biens indignes de toi, que sont toutes les richesses de la terre, de la boue pour un enfant de Marie? Les recherches qui veut? Pour moi, j'ai trouvé un autre trésor, ce trésor me suffit, avec lui je suis assez et plus qu'assez riche. Puissé-je ne pouvoir perdre la qualité d'enfant de Marie, et peu m'importe de perdre toute autre chose, que je possède Marie, et je ne me soucie plus du reste. Psaume 15, 6. Le sort m'est échu d'une manière très avantageuse, car mon héritage est excellent. Markandanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.